Bienvenue au joyeux tasse de vin. Chez nous, on aime le bon vin. Tu vois, goûter, ce n'est pas cracher. Ici, on aime boire et manger. Joyeux lurons et bons amis. Se retrouver les vendredis. Choisis ton vin et n'oublie rien. Surtout le coffret de parfums. Voici les premières senteurs. Fruits rouges, agrumes, mille fleurs. Ça sent la fraise tagada. Ou le champignon, les sous-bois. Bienvenue au joyeux tasse de vin. Chez nous, on aime le bon vin. Tu vois, goûter, ce n'est pas cracher. Ici, on aime boire et manger. Une fois par mois, ça va de soi. Chacun son verre à soi. On se retrouve pour déguster. Détendu et décontracté. Dans ce vin, il y a beaucoup de gras. Est-ce le tanin qui fait cela? Le glycérol est un alcool. Pour la glycérine, ce n'est pas drôle. Bienvenue au joyeux tasse de vin. Chez nous, on aime le bon vin. Tu vois, goûter, ce n'est pas cracher. Ici, on aime boire et manger. Allez, viens et fais-nous goûter ce bon vin que t'as ramené. Redis-moi quel est le terroir. Ne me laisse pas sur le comptoir. Observe bien la caudalie. Ce n'est pas le nom du tchakouli. Ce sont les couleurs qui ressortent. Tuiles, rubis ou couleur or. Bienvenue chez les tasses de vin. Chez nous, on aime le bon vin. Ici, goûter n'est pas cracher. Ici, on aime boire et manger. Bienvenue chez les tasses de vin. Bienvenue chez les tasses de vin. Bienvenue chez les tasses de vin. Bienvenue chez les tasses de vin.